Merci d'écouter la plus normande des radios dans l'agglomération rouennaise comme partout en Normandie. Il est exactement 18h et on fait un point sur l'actu nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'exécutif étudie l'hypothèse d'un référendum à questions multiples sur les institutions qui serait une manière de répondre à des demandes des Gilets jaunes. Ce référendum pourrait avoir lieu à l'issue du grand débat national. Les questions envisagées lors de cette consultation concerneraient le vote blanc, la proportionnelle, le cumul des mandats ou encore le nombre de parlementaires, a indiqué le député de la Vienne, Sacha Houlier, sur LCI. Par ailleurs, la lettre aux Français promise par Emmanuel Macron et qui doit cadrer les thèmes de ce grand débat national sera diffusée mi-janvier dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et Emmanuel Macron a indiqué à des conseillers avoir échangé à deux reprises de manière laconique depuis l'été avec Alexandre Benalla, a confirmé aujourd'hui l'Élysée après des informations du Canard enchaîné. Le chef de l'État a fait cette mise au point à des proches lundi, quelques heures après que l'ex-chargé de mission a affirmé à Mediapart avoir continué à échanger régulièrement avec lui via la messagerie Telegram depuis son licenciement de l'Élysée, alors que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a continué de voyager avec ses passeports diplomatiques après son licenciement. La commission des lois tente de faire la lumière dans cette affaire sur l'implication du gouvernement. Chaque nouvelle année apporte son lot de changements sur le plan fiscal. Il est de taille avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source depuis le 1er janvier. Fini de payer son impôt sur le revenu, il est directement retenu sur le salaire ou la pension de retraite. En France, 4 ménages sur 10 s'acquittent de cet impôt. Parmi eux, certains connaissent leur premier prélèvement à la source aujourd'hui. Il s'agit des chômeurs dont l'allocation est versée le 2 du mois. Idem pour les salariés dont l'entreprise pratique le décalage de paie et qui vient de verser le salaire de décembre. Les Britanniques mariés de force à l'étranger sont contraintes de rembourser au gouvernement britannique les frais liés à leur rapatriement, a révélé aujourd'hui The Times, contraignant le chef de la diplomatie britannique à promettre de faire toute la lumière sur cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères a aidé à rapatrier 55 victimes de mariage forcé en 2016 et 27 en 2017, selon les chiffres officiels fournis au Times. Enfin, Rafael Nadal a annoncé aujourd'hui qu'il ne participera pas au tournoi de Brisbane où il devait affronter Joey Fritzonga. Le Mallorcain souffre de la cuisse gauche à 12 jours du début de l'Open d'Australie. Sur la plus normande des radios, Max. Allez, c'est parti, nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube avec le son de Martin Garrix et Eye on the Life. Espace, espace, plus de son, plus de tubes. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, they show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. High on life till the day. Fingers out of sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I espace. La plus normande des radios. La plus normande des radios. À tous ceux qui sont encore au top, vous êtes peut-être sur la route de retour chez vous après une première journée compliquée. Surtout après toutes ces fêtes, on est un peu lourd, c'est genre un petit peu compliqué. Donc bon courage à vous. Que Black à l'instant complètement sonné sur Espace, c'est la pub. Juste après Imagine Dragons, Natural ou encore Angelina avec Jamais sans toi. Et le son de Andra pour Sudamericana. Tout de suite, les amis. Au Fournil d'Antan, 59 rue de la République à Pont-Audemer, apportons du bien-être aux animaux du refuge d'Abbeville-Annebault. Une galette achetée avec sa fève à l'effigie des animaux de compagnie, 1 euro de reversé au refuge. À cette occasion, le samedi 5 janvier de 10h à 16h et le dimanche de 10h à 12h, venez faire photographier votre enfant avec son animal de compagnie devant la boulangerie. Au Fournil d'Antan, 59 rue de la République à Pont-Audemer. Bon, vous êtes où? Vous êtes assis? C'est le moment de vous lever. Bande de tire-enfants, on a besoin de soldats. Fiers, braves, courageux, orgueilleux. C'est la grande recrue au manège de Tilly. Vous serez des témoins privilégiés d'une revue de caserne extraordinaire, invraisemblable, rebondissante. Vous aimez les chevaux, le spectacle, bien manger? C'est le moment de signer. Pour y aller, c'est simple. Évreux, en face du cinéma, et les renseignements, c'est lemanegedetilly.fr. Restaurant indien Le Taj Mahal à Louviers. Découvrez les entrées, plats, desserts et pains. Le Taj Mahal, c'est aussi un service traiteur. Plan emporté et livraison à domicile. Le Naan, fromage poulet plus frites ou pispollo, riz à 6,50€. Ou le Naan fromage chic kebab plus pispollo, riz à 6,50€. Le Taj Mahal, ouvert tous les jours midi et soir. Le Taj Mahal, place de la République à Louviers. 02 32 25 49 78 et www.le-tajmahal.com. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

toi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu seras toujours là. De Andra comme ça avec Sudamericana pour vous accompagner à 18h20. Merci d'être avec nous les amis. Nous sommes le mercredi 2 janvier et le mercredi c'est les sorties ciné. On fait un point tout de suite sur ces événements et juste après Enrique Iglesias avec Duel El Corazon ou encore un petit Propaganda Epi Machinery. Et tout de suite les amis. Espace en Normandie, dans vos salles en Normandie. Bienvenue, voici notre première sélection pour 2019. On démarre tout d'abord avec une comédie Premières Vacances et un biopic avec une fan d'exception. Espace. Et on débute avec Premières Vacances de Patrick Cassir avec Camille Chamou, Jonathan Cohen et Camille Cotin. Donc c'est vraiment ton premier rendez-vous Tinder? Et toi, c'est ton premier? Non, non, c'est pas ton premier. J'ai pas compté. 30-40. Tu veux partir en vacances avec moi? Comment? Tu la connais depuis combien de temps? Depuis ce week-end. Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun, mais leur contraire s'attire. Et ils décident un petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances, malgré l'avis de leur entourage. Ils partiront finalement en Bulgarie, à mi-chemin de leur destination rêvée, Beyrouth pour Marion et Biarritz pour Ben. My name is Svetlana Veselinova-Gergova-Dolovtcheva. Wow, c'est très long. Hé, hey, fais gaffe, il y a plein de trucs rouillés, là. C'est Tétanos Beach, le truc, là. C'est un bain d'huile, hein. Non. Les vacances, c'est la pire épreuve du couple. C'est marrant de commencer par là. Voilà, retrouvez cette comédie pleine de fraîcheur en ce début d'année. Premières Vacances, et c'est à déguster dans tous les bons cinémas de Normandie. Espace. Et maintenant, passons avec un biopic. Voici une fan d'exception, réalisée par Mimi Leder, avec Felicity Jones, Armie Hammer et Justin Theroux. Dans laquelle j'ai le plus l'air d'un homme de Harvard. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu n'as en rien l'air d'un homme de Harvard. Bienvenue à la faculté de droit de Harvard. Je m'appelle Ruth Bader Ginsburg. Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle Ginsburg? Vous occupez une place qui aurait pu être attribuée à un homme. Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme. Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. L'égalité des genres en tant que droit civique? Mel, cette affaire représente une énorme opportunité pour les hommes et les femmes. Le mot « femme » n'apparaît pas une seule fois dans la Constitution des États-Unis. Pas plus que le mot « liberté », monsieur le juge. Voilà, retrouvez ce biopic, une femme d'exception aujourd'hui dans tous les bons cinémas de Normandie. Espace. On résume notre sélection pour cette semaine. Tout d'abord une comédie avec Premières Vacances et un biopic avec une femme d'exception. Bonne année et bonne toile en Normandie avec Espace. Espace. Retour des tubes. Écoutez ça. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. también me voy. Si me das, yo también te doy. Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Back in time. Écoutez le meilleur des souvenirs. Il est tout pile 18h26. Allez, on file jusqu'à l'actu locale et régionale avec Propaganda tout de suite. Souvenez-vous, c'est Pi Machinery. Info régionale, Normandie-Picardie. Bonjour à tous, une quinzaine de gilets jaunes ont mené en fin de matinée aujourd'hui une opération péage gratuit sur l'autoroute A13 pendant une trentaine de minutes. Les manifestants ont ainsi levé les barrières du péage et puis une quarantaine de gilets jaunes a été évacué ce matin peu avant 9h à Grand-Quevilly. Ils bloquaient les camions devant le dépôt pétrolier Ruby. Pour la raffinerie ExxonMobil de Grabonchon, l'année 2019 a commencé avec un nouvel incident. La nuit dernière, suite à une fuite de produits, un plan d'opération interne a été déclenché. La fuite a été rapidement isolée et le plan d'intervention levé. ExxonMobil précise qu'il n'y a eu aucun blessé, ni impact sur l'environnement, ni conséquences sur la marche de la raffinerie. Dans la continuité du dispositif de couverture des zones blanches en centre-bourg, le gouvernement a conclu un accord avec les opérateurs mobiles il y a tout juste un an pour garantir l'accès à une couverture mobile de qualité d'ici 2020. À l'échelle nationale, les opérateurs sont tenus de couvrir sur leurs fonds propres 5000 nouveaux sites. Le département de l'Eure s'est vu doté pour la fin d'année 2018 de 5 nouveaux sites, les seuls retenus en Normandie, qui couvrent partiellement les communes des Baux de Breteuil, Bémécourt, Neufle, Auvergne et Saint-Antonin de Sommaire, Le Lem, Auvreau ou encore Sylvain-les-Moulins. Installé depuis 16 ans à Netreville, Biocoop devait ouvrir le 8 janvier prochain rue Cocherel à Évreux, son nouveau magasin flambant neuf de 800 mètres carrés. Cependant, Carrefour vient de déposer un recours pour contester l'avis rendu en novembre dernier par la commission départementale de l'aménagement commercial. Les avocats de l'hypermarché ont déniché quelques failles comme l'absence de trottoirs piétons le long de la RN13. Les responsables de Biocoop font surtout le rapprochement entre ce recours et l'ouverture d'un Carrefour bio rue Chartrenne à Évreux. D'ailleurs, la concurrence est forte. Dans la capitale de l'Eure, on compte déjà 5 enseignes bio. La Commission nationale d'aménagement commercial dispose d'un délai de 4 mois pour rendre sa décision. Fermée pendant 5 mois suite à un incendie, la boulangerie Le Roy à Saint-Saëns rouvre ses portes demain. Alexandre Lénaud. Fermée pendant 5 mois suite à un incendie le 31 juillet dernier, la boulangerie Le Roy à Saint-Saëns rouvre ses portes aujourd'hui. Un soulagement pour ses propriétaires qui ont dû faire face à cet incident dont on ne connaît pas les causes exactes, même si la piste accidentelle est privilégiée. Aujourd'hui, si les travaux de réhabilitation de l'enseigne ne sont pas terminés, l'essentiel est là. Précision d'Isabelle Le Roy, gérante de la boulangerie. Tout a été démonté de A à Z, le magasin et l'appartement des premiers et deuxième étages. Fin octobre, ils ont commencé à reconstruire et puis là, tout n'est pas fini de reconstruire dans les étages, mais au moins qu'on a le magasin, c'était ce qu'on voulait, nous, pour retravailler. Ironie du sort, la boulangerie Le Roy avait préparé des fèves à l'effigie des pompiers de Saint-Saëns pour la galette des rois. C'était sur les pompiers, à l'honneur les pompiers. C'est bizarre des fois parce qu'on nous arrive cet incident-là et puis on avait choisi les fèves avec les pompiers. Bon, ben voilà quoi, c'est... En même temps, ça va servir de remerciement parce qu'ils ont tellement été courageux et agréables. La promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur a distingué 402 personnes, dont quelques Normands comme Jérôme Martin, le commissaire divisionnaire de Rouen qui a dû gérer l'intervention policière lors de l'attentat du père Hamel survenu à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Et puis le grade de chevalier de la Légion d'honneur a été attribué à Jean-Pierre Soulier, président de la société Roventa France installée à Vernon. Et puis en hockey sur glace, les Dragons de Rouen reçoivent ce soir les Pionniers de Chamonix pour la 29e journée de Ligue Magnus. Et puis à présent, enfin un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, une fois les brumes matinales dispersées, ce sont de belles éclaircies qui devraient s'imposer. Et puis une vague de 5 degrés à Beauvais, Forges-les-Eaux ou encore Gournay-en-Bray sur le Vexin normand également, ou encore la vallée de la Seine. 5 également à Évreux, Bernay et 6 à Pont-Audemer. Bonne soirée à tous. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. La plus normande des radios. Il est 18h34 sur Espace, voici le son de Lude et Missing You. Thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. The city lights just ain't your home, and I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Told me to be stable and live without you.

février pour vous accompagner ou présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mercredi 2 janvier. Ce soir sur TF1, deuxième étoile, un documentaire inédit dans les coulisses de l'équipe de France durant la dernière Coupe du Monde. Vous allez revivre la victoire des Bleus. France 2, on va s'aimer un peu beaucoup, une série française avec des avocats qui défendent leurs clients et qui essaient de gagner les procès. C'est un petit peu le principe, hein, de l'avocat. France 3, c'est un truc de ouf ce soir, hein. Les numéro 1 des Carpentiers, on va revivre la plus grande époque de la télévision où les artistes venaient faire n'importe quoi, hein. C'était Maritier et Gilbert Carpentier qui produisait ses émissions et tu pouvais retrouver Johnny Hallyday déguisé en banane ou en fraise, Michel Sardou en tutu, enfin bon bref, toutes les grandes stars de l'époque n'avaient peur de rien. Essaie de faire ça aujourd'hui avec les artistes, ils vont te dire non, tu vois, là c'est pas possible pour mon image, tu vois. Canal, le grand jeu, c'est un drame, l'histoire d'une jeune femme skieuse qui a dû arrêter sa carrière suite à un accident. Elle devient experte en poker et se retrouve arrêtée par le FBI. Pourquoi? Eh ben faut regarder. Arte, vous savez quoi, j'ai peur qu'il soit leader de la soirée. Tu imagine-toi si Arte, la chaîne de la culture et des prises de tête, est numéro 1 en audience. 2 janvier, il diffuse The Artist. Donc ça va forcément envoyer le pâté. M6, Stéphane Plaza est dans la téloche toute la soirée avec Recherche Appartement ou Maison. Le meilleur de la TNT, C8, Pascal, le grand frère au bout du monde. Alors ça y est, hein, Pascal s'exporte à travers la planète et part en voyage avec des petits sauvageons. Il va leur faire vivre l'enfer. Hein. Ils vont revenir comme des petits lapros, des lapins de 6 semaines, hein, des petits chihuahuas, plus un mot plus haut que l'autre. Mais entre-temps, il va y avoir des insultes, des embrouilles, des coups de genoux avant d'arriver au chihuahua. Bah oui, tu n'arrives pas au chihuahua comme ça. TMC, Yann Barthès est en prime avec Quotidien qui refait l'année People. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Écoutez sur Espace les meilleurs souvenirs. Back in time.